que faire? Au secours! Si on le secourait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut se lever. Et après? Il veut qu'on l'aide à se lever. Eh bien, aidons-le, qu'est-ce qu'on attend? Il faut le soutenir. Il faut qu'il se réhabitue à la station debout. Ça va mieux? Qui êtes-vous? Vous ne nous remettez pas? Je suis aveugle. Peut-être qu'il voit clair dans l'avenir. Depuis quand? J'avais une très bonne vue. Mais êtes-vous des amis? Il demande si nous sommes des amis. Non, il veut dire des amis à lui. Et alors? La preuve, c'est que nous l'avons aidé. Voilà. Est-ce que nous l'aurions aidé si nous n'étions pas ses amis? Peut-être. Évidemment. Ne regottons pas là-dessus. Vous n'êtes pas des brigands? Des brigands? Est-ce qu'on a l'air de brigands? Voyons. Il est aveugle. C'est vrai. Qu'il dit? Ne me quittez pas! Il n'en est pas question. Pour l'instant. Quelle heure est-il? Sommes-nous au soir? Pourquoi ne répondez-vous pas? C'est qu'on voudrait pas vous dire une connerie. C'est le soir, monsieur. Nous sommes arrivés au soir. Mon ami essaie de m'en faire douter. Je dois avouer que j'ai été ébranlé pendant un instant. Mais c'est pas pour rien que j'ai vécu cette longue journée. Je peux vous assurer qu'elle est presque au bout de son répertoire. À part ça, comment vous sentez-vous? Combien de temps va-t-il falloir le charrier encore? On n'est pas des cariatides. Vous disiez que vous aviez une bonne vue autrefois, si j'ai bien entendu. Oui, elle était bien bonne. Développez. Ah, laisse-le tranquille. Ne vois-tu pas qu'il est en train de se rappeler son bonheur? Memoria preteritorum bonorum. Ça doit être pénible. Oui, bien bonne. Et ça vous a pris tout d'un coup? Un beau jour, je me suis réveillé, aveugle comme le destin. Je me demande parfois si je ne dors pas encore. Quand ça? Je ne sais pas. Mais pas plus tard qu'hier. Ne me questionnez pas, les aveugles n'ont pas la notion du temps. Les choses du temps, ils ne les voient pas non plus. Tiens, j'aurais juré le contraire. Je m'en vais. Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Ne serait-on pas au lieu dit la planche? Je ne connais pas. À quoi est-ce que ça ressemble? On ne peut pas le décrire. Ça ne ressemble à rien, il n'y a rien. Il y a un arbre. Alors ce n'est pas la planche. Tu parles d'une diversion. Où est mon domestique? Il est là. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Je ne sais pas. Il semble dormir. Il est peut-être mort. Que s'est-il passé, au juste? Au juste. Vous êtes tombés, tous les deux. Allez voir s'il est blessé. Mais on ne peut pas vous quitter. Et vous n'avez pas besoin d'y aller tous les deux? Vas-y, toi. Oui, c'est ça, que votre ami y aille. Il sent si mauvais. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que tu attends? J'attends Godot. Qu'est-ce qu'il doit faire, au juste? Eh bien, qu'il tire d'abord sur la corde, en faisant attention, naturellement, de ne pas l'étrangler. En général, ça le fait réagir. Sinon, qu'il lui donne des coups de pied, dans le bas-ventre, et au visage, autant que possible. Tu vois, tu n'as rien à craindre. C'est même une occasion de te venger. Et s'il se défend? Non, non, il ne se défend jamais. Je volerai à ton secours. Ne me quitte pas des yeux. Regarde s'il est vivant, d'abord. Et pas la peine de lui taper dessus s'il est mort. Il respire. Alors, vas-y. Oh! Oh la vache! Que s'est-il passé encore? Mon ami s'est fait mal. Et Lucky? Alors c'est bien lui? Comment? C'est bien Lucky? Je ne comprends pas. Et vous êtes Pozzo? Mais certainement, je suis Pozzo. Les mêmes qu'hier. Hier? On s'est vus hier. Vous vous rappelez pas? Je ne me rappelle avoir rencontré personne hier. Mais demain, je ne me rappellerai avoir rencontré personne aujourd'hui. Ne comptez donc pas sur moi pour vous renseigner. Et puis assez là-dessus. Debout! Vous l'emmeniez à Saint-Sauveur pour le vendre? Vous nous avez parlé? Il a dansé, il a pensé, vous voyez clair. Si vous y tenez. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Debout! Il s'élève. Il fait bien. Où allez-vous de ce pas? Je ne m'occupe pas de ça. Comme vous avez changé. Fouet! Corde! Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Du sable! En avant! Ne partez pas encore. Je pars. Que faites-vous quand vous tombez? Loin de tout secours. Nous attendons de pouvoir nous relever, puis nous repartons. Avant de partir, dites-lui de chanter. À qui? À Lucky. De chanter? Oui, ou de penser, ou de réciter. Mais il est muet. Muet? Parfaitement, il ne peut même pas gémir. Muet? Depuis quand? Vous n'avez pas fini de m'empoisonner avec vos histoires de temps? C'est insensé. Quand? Un jour, ça ne vous suffit pas? Un jour, pareil aux autres, il est devenu muet. Un jour, je suis devenu aveugle. Un jour, nous deviendrons sourds. Un jour, nous sommes nés. Un jour, nous mourrons. Le même jour, le même instant, ça ne vous suffit pas? Elles accouchent à cheval sur une tombe. Le jour brille un instant. Puis c'est la nuit à nouveau. En avant ! Gogo ? Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir ? Je me sentais seul. Je rêvais que j'étais heureux. Ça fait passer le temps. Je rêvais. Tais-toi. Je me demande s'il est vraiment aveugle. Qui ? Un vrai aveugle dirait-il qu'il n'a pas la notion du temps. Qui ? Pozzo. Il est aveugle ? Il nous l'a dit. Et alors ? Il m'a semblé qu'il nous voyait. Tu l'as rêvé. Allons-nous-en. On ne peut pas. C'est vrai. Tu es sûr que ce n'était pas lui ? Qui ? Godot. Mais qui ? Pozzo. Mais non ! Mais non ! Mais non. Je vais quand même me lever. Aïe! Je sais plus quoi penser. Mes pieds! Aide-moi! Est-ce que j'ai dormi pendant que les autres souffraient? Est-ce que je dors en ce moment? Demain, quand je croirai me réveiller, que dirai-je de cette journée? Qu'avec Estragon, mon ami, à cet endroit, jusqu'à la tombée de la nuit, j'ai attendu Godot. Que Pozzo est passé avec son porteur et qu'il nous a parlé. Sans doute, mais dans tout cela, qu'y aura-t-il de vrai? Lui ne saura rien. Il parlera des coups qu'il a reçus. Et je lui donnerai une carotte. À cheval sur une tombe. Et une naissance difficile. Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. On a le temps de vieillir. L'air est plein de nos cris. Mais l'habitude est une grande sourdine. Moi aussi, un autre me regarde en se disant: il dort. Il ne sait pas qu'il dorme. Je ne peux pas continuer. Qu'est-ce que j'ai dit ? Monsieur ! Monsieur Albert ? Reprenons. Tu ne me reconnais pas ? Non, monsieur. C'est toi qui es venu hier ? Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. C'est de la part de Monsieur Godot? Oui, monsieur. Il ne viendra pas ce soir? Non, monsieur. Mais il viendra demain? Oui, monsieur. Sûrement? Oui, monsieur. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Non, monsieur. Deux autres? Hommes? Je n'ai vu personne, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Godot? Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Il fait rien, monsieur. Comment va ton frère ? Il est malade, monsieur. C'est peut-être lui qui est venu hier. Je sais pas, monsieur. Il a une barbe, Monsieur Godot ? Oui, monsieur. Blonde ou noire ? Je crois qu'elle est blanche, monsieur. Miséricorde. Qu'est-ce que je dois dire à Monsieur Godot, monsieur ? Tu lui diras. Tu lui diras que tu m'as vu et que tu m'as vu. Dis, tu es bien sûr de m'avoir vu? Tu vas pas me dire demain que tu ne m'as jamais vu? Le garçon se sauve. Le soleil se couche. La lune se lève. Estragon se réveille, se déchausse. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais. Je ne sais pas. Où irons-nous? Pas loin. Si, si, allons-nous-en loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi? Il faut revenir demain. Mais pourquoi faire? Attendre Godot. C'est vrai. Il n'est pas venu. Non. Et maintenant, il est trop tard. Oui, c'est la nuit. Et si on le laissait tomber? Si on le laissait tomber, il nous punirait. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre. Non, mais quel genre? Ben, je ne sais pas. Un saule. Viens voir. Et si on se pendait? Avec quoi? Tu n'as pas un bout de corde? Non. Alors, on ne peut pas. Allons-nous-en. Attends, il y a ma ceinture. Mais c'est trop court. Et tu tireras sur mes jambes. Et qui tirera sur les miennes? C'est vrai. Fais voir quand même. Estragon dénoue la corde qui maintient son pantalon. Celui-ci, beaucoup trop large, lui tombe autour des chevilles. À la rigueur, ça pourrait aller. Mais est-elle solide? On va voir, tiens. Ils prennent chacun un bout de la corde et tirent. La corde se casse. Elle ne vaut rien. Tu dis qu'il faut revenir demain? Oui. Alors on apportera une bonne corde. C'est ça. Didi. Oui? Je ne peux plus continuer comme ça. On dit ça? Si on se quittait, ça irait peut-être mieux. On se pendra demain. À moins que Godot ne vienne. Et s'il vient? Nous serons sauvés. Alors, on y va. Relève ton pantalon. Comment? Relève ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon? Relève ton pantalon. C'est vrai. Alors, on y va? Allons-y. Il ne bouge pas.